arrivé. Good afternoon, Toronto. You're listening to Super Cassion here on CHOI 105.5 FM. My name is Mathieu, and I'm going to be with you until the end of the hour. I'll be playing some French language punk, ska, and hardcore. Got a great show lined up for you. I'm going to play right about now a new song by the Quebec-based crust kind of metal band, Saccage, who will be releasing a new album, Death Crust Satanic, pretty shortly. So here is Motor Crust. Here on CHOI 105.5 FM. Come on. c'était Saccage avec Motocross de leur album Death Cross Satanique, ici à sous pression aux ondes du CHR Grec 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. Moi, je m'appelle Mathieu, l'émission s'appelle Sous pression. Je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vous fais jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. On va continuer maintenant avec une chanson par le Red Viler, leur album Bordeaux 5, la chanson La Marche des Ombres, ici à sous pression. We'll be right back. Salut, vous écoutez toujours Sous Pression. On vient d'écouter La Gâchette, la chanson Les Portes Bordeaux, tirée de leur plus récent album À Travers le Temps. C'est le dernier morceau, le 19e morceau sur leur album. Avant ça, c'est Accoudement avec La Chute, de leur album de Cendres du Désespoir. Et on a commencé le tout avec du Red Viler, la chanson La Marche des Ombres de leur album Bordeaux 5. Je crois que c'est leur seul album. Je suis même plus certain si le groupe existe toujours, mais ils nous ont laissé avec un bon album. Alors, j'ai pas grand chose à dire cette semaine. Quelques dernières semaines, j'ai eu un peu plus de choses à dire. Deux entrevues dans les trois dernières semaines. J'ai pas grand chose à dire cette semaine. Alors, je passerai pas trop de temps à jaser. Je continue en musique. J'ai le goût d'écouter quelque chose d'un peu plus relax. Non, pas plus relax. J'ai le goût d'écouter du Molodoy. C'est juste ça. Alors, j'ai choisi la chanson « Cassons les murs » de l'album « Royaume de la jeunesse ». Et c'est cette chanson-là que je vais faire jouer prochainement, immédiatement. Alors, voici Molodoy, ici à Sous Pression. Watch you. C'était Chicken's Call, ici à sous pression, aux ondes CHRY 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu et pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vais jouer du punk, Sky, du hardcore, tout en français. Dans le dernier bloc, on a commencé avec du Molodoy, la chanson Cassons les murs de l'album Royaume de la jeunesse, Les Paris après ça avec toi mon pote. Suivi par Les Partisans, la chanson Sous la pluie, Rude Boy de leur album éponyme. Et comme j'ai dit, on vient d'écouter du Chicken Skull, la chanson LTVDTT. C'est ça, on est rendu à mi-chemin de l'émission. Et c'est le temps que je vous rappelle que l'émission a un site web, c'est le www.sousprescion.wordpress.com. www.sousprescion.wordpress.com. Si vous voulez écouter l'émission si vous manquez l'émission en direct, vous pouvez l'écouter à partir du site web. En format podcast, vous pouvez télécharger gratuitement à partir du site web. Vous pouvez l'écouter à partir de l'Internet. Et on met aussi la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine. Quoi d'autre? On a une présence sur Facebook, facebook.com/sous-pression. C'est le site de Facebook de l'émission. Et si vous avez des demandes spéciales, des commentaires, des plaintes, vous faites partie d'un groupe et vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez le faire par courriel. sous-pression@commercial-chry.fm. Vous pouvez aussi le faire à partir du site web et du site Facebook aussi. Du monde qui l'ont déjà fait. D'habitude, ça marche. On partage de la musique et des ressources. Puis c'est fantastique. Alors, avant de continuer, j'ai pas encore parlé de la grève étudiante qui se passe au Québec en ce moment. J'en parle depuis, je sais pas, peut-être 10 semaines, 2 mois presque que ça dure, que j'en parle un peu au moins à chaque semaine. Juste rappeler que c'est pas terminé parce que la majorité des associations étudiantes ont rejeté l'offre du gouvernement. Ils ont eu des votes la semaine passée, la majorité l'ont rejeté d'après ce que les dernières nouvelles que j'ai vues. J'étais pas en ville la fin de semaine, alors il y a peut-être eu de quoi que c'est passé, mais il y a seulement 2 associations étudiantes qui l'ont accepté, puis le restant, un grand nombre, une grande majorité, l'ont rejeté. Et j'ai aussi lu, je viens de lire, voir quelque chose sur l'Internet, c'est le journal Voir, qui est disponible un peu dans plusieurs régions du Québec, celle-ci à Montréal, sur le site voir.ca. Il y a un petit article ou un éditorial écrit par Marc-André Cyr aujourd'hui. Allez voir ça si vous pouvez au site voir.ca. C'est l'article qui s'appelle Regardez-le dans l'œil. C'est assez poignant. Ça parle un peu d'un étudiant parce que ceux qui suivent un peu les nouvelles. Il y a au moins 2 étudiants qui ont perdu leurs yeux depuis le début de la grève ou qui ont risqué de perdre leurs yeux. Il y en a un au début qui s'est fait frapper dans la figure par une bombe fumigène qui a éclaté dans son visage. Alors là, il risque de ne plus voir de cet œil-là. Je pense que c'est son œil droit. Et il y a un autre qui s'appelle Maxence qui a perdu un œil après avoir reçu une balle de plastique en plein visage à la manifestation à Victoriaville le 4 mai pendant le congrès du Parti libéral du Québec. Et c'est assez important parce que le journaliste il compare un peu, il lui dit regardez-le dans l'œil et dites-lui que la Sûreté du Québec ont bien fait leur travail avec professionnalisme et rigueur et discipline. Et c'est des citations directes tirées par exemple, le porte-parole de la SQ, des politiciens qui disent « Oh, la police, ils ont bien fait leur boulot et leur travail. » Il dit ça, mais lui, il a perdu son œil parce qu'il y a un policier qui lui a tiré en pleine face avec une balle en plastique et il sera aveugle maintenant dans un œil. Il y a plusieurs autres étudiants qui se sont fait mal. Il y a eu beaucoup de blessés depuis. Il y en a eu juste un ce matin au cégep, je ne me rappelle plus c'est où. J'ai vu ça suite à une confrontation quand les étudiants et les étudiantes ont tenté de bloquer l'injonction. Alors, allez voir ça. C'est très facile de vous tenir à jour un peu ce qui se passe dans le mouvement étudiant au Québec. Si vous faites sur Twitter, il y a des petits codes, là, les hashtags, le carré GGI, c'est une bonne à suivre si vous êtes sur Twitter, sinon il y a plein d'informations partout sur l'Internet, ça vaut la peine de suivre parce que c'est un mouvement très important. Comme on a parlé d'une couple de semaines au début du mois, quand on a fait l'entrevue avec Xavier Lafrance, un militant qui a participé à la grève en 2005, c'est pas juste un mouvement pour les frais de scolarité, c'est vraiment un mouvement contre La privatisation de l'éducation, un mouvement de principe pour le principe à une éducation accessible et des services publics aussi, parce que les gouvernements à tous les niveaux municipal, provincial et fédéral là, sont en train de couper dans les services sociaux et c'est des attaques vraiment sur nos communautés. Alors c'est important, leur lutte la lutte étudiante au Québec, c'est vraiment la lutte de toutes nos communautés à travers le Canada et je dirais aussi à travers le monde. Alors avec ça, je vais arrêter de parler. Je vais continuer avec une chanson. Pas trop le rapport avec ce que je parlais, mais c'est une chanson tirée du nouvel album de Diego Palavas qui est sorti le 20 avril. L'album s'appelle Expédition Punitive. La chanson s'appelle Je suis sain. J'ai pas encore eu la chance de me le procurer ou de l'écouter au complet, mais j'en ai écouté quelques extraits. Je pense que cette chanson-là, Je suis sain, est une de mes chansons préférées. Je vais la faire jouer. C'est ça. Alors, je fais jouer ça par Diego Palavas, Je suis sain, ici, à Sous pression. Baseball. et je viens de voir ça en parlant de la grève étudiante, je viens de voir ça sur Internet. La ministre de l'Éducation, Lynn Beauchamp, vient de démissionner, a quitté son poste de députée. Alors, une super bonne nouvelle, une tournure excellente et incroyable dans la lutte là, que je parlais justement de la lutte étudiante et sociale au Québec. Alors, excellente nouvelle, on va fêter ça avec une chanson par les Shérifs. Et je viens aussi d'apprendre que mes amis au Manitoba, Chris et Amy, viennent d'avoir une petite fille, Julian, Aaron, Odell. Alors, félicitations à eux et félicitations au mouvement étudiant. Mais c'est pas encore fini au mouvement étudiant au Québec. Là. On sait pas si Lynn Beauchamp et le gouvernement Shérif vont lâcher leur plan. Mais je suis content pour le mouvement, c'est définitivement une victoire. Faut pas arrêter là. Et encore, félicitations à Chris et Amy, mes amis qui viennent d'avoir une petite fille, Julian Aaron. Alors, pour fêter, voici les Shérifs avec Je fonce dans le tas. Désolé, je viens de me rendre compte. Désolé, mes amis, Chris et Amy, ils ont un petit garçon, un petit fils, ils ont une petite fille. C'est pas important, c'est un beau petit garçon quand même. Alors, félicitations à eux, puis je continue avec du Jeunesse Apatride, ici à Sous-Pression. c'était Les Aventuriers par les Ordures. Yannick ici à Sous Pression. On écoutait les Scalopes avant ça avec Partir de leur album Yavenra Miturno. Les Scalopes feront leur dernier concert le 18 mai. Alors, on leur dit un bon salut et merci pour la bonne musique aux Scalopes. C'est un excellent groupe, mais continuez à écouter leurs disques et continuez à écouter Sous Pression parce qu'on va continuer de les faire jouer. Jeunesse à Patrick de Vaccin avec La Fin d'une Époque. Les Shérifs avant avec Je fonce dans la tas. L'équipe avec Bat de Baseball et on a pu commencer le dernier bloc avec Diego Palavas, la chanson Je suis sain de leur album Expédition Punitive. On se laisse avec une dernière chanson par Banlieue Rouge, c'est L'Appel de la Cité, une petite dédicace à tous ceux et celles qui ont lutté et qui continuent à lutter partout dans le monde pour un meilleur monde. Voici du Banlieue Rouge, bonne semaine.